En Corée, des réalisations sont enregistrées tous les jours dans le rétablissement des régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord. Dans l'arrondissement de Yeonsan, les militaires ont creusé plus de 35 000 mètres cubes de terre en un seul jour pour les fondations des maisons à étages et achevé en trois jours le bétonnage de fondations avant de s'engager dans les travaux de construction des blocs de murs. Dans l'arrondissement de Gyeonghun, les militaires font les travaux de plâtrage de l'extérieur et de l'intérieur des maisons de 100 foyers dans leur dernière étape à la date du 28 septembre. Les membres des troupes de choc et autres bâtisseurs qui ont commencé la construction des habitations de plus de 7400 foyers ont terminé les travaux de creusement de fondations pour plus de 5100 foyers et le bétonnage de fondations pour plus de 1800 foyers. Le ministère de l'Industrie électrique a fini le rétablissement des sous-stations et des réseaux de transport électrique pour ainsi alimenter en électricité presque toutes les régions sinistrées. Le ministère des Industries mécaniques a fourni d'urgence des appareils électriques, dont les câbles et les transformateurs. La direction des chemins de fer de Chongjin a transporté beaucoup de matériaux comme des dizaines de milliers de tonnes de ciment, des milliers de tonnes de matériaux en fer et en acier, les bois, etc.